Pierre Cusset. Il est 20h. Un animal terrible. Nous en avons connu un en Écosse il y a quelques années. Un canard charmant au demeurant. Oh, puis ne sachant pas quoi faire pour nous faire plaisir, c'est vraiment se mettant en quatre, les ailes d'un côté, les cuisses de l'autre. N'empêche, il a tout de même fallu l'entamer à la scie circulaire. Bonsoir. Tous les canards vont à la mer et c'est bien fait pour vous. Nous sommes ensemble jusque 22h. À ce qui paraît. Ouais. Et au programme ce soir, album de la semaine. La review de Korenko. Fil rouge. Ouais, il y aura une archive aussi. Une archive dont on aurait pu parler au mois de janvier. Ouais. Parce que c'est un anif. Et le but, c'était pas de faire des anifs. Mais Ce sera pas un anif. Là, en l'occurrence, ce sera un anif avec un mois. C'est ça. Books on the radio. Ouais, puis il y a quelques nouveautés quand même, un petit peu dans les bacs. Aussi. Hein, bon, ouais. On va se faire du bien quand même. Quand même. On va se faire du bien. Ah ouais, alors, attention. Ouais. Faut faire plein de bazar maintenant. C'est parti. Et donc. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudomesque. Monsieur Naudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album. Album de la semaine, donc ? Ouais. T'entends rien. J'entends rien. Ah, ça y est. Voilà. Album de la semaine, donc, je disais. Avec Moon Duo. Ouais. Et un nouvel album. Bien. Qui vient tout juste de sortir. Parce qu'il est sorti vendredi. Ah ouais, donc on est sur du 9-9. On est sur du 9-9. L'album s'appelle Occulte Architecture Volume 1. C'est joliment dit. Il y aura sûrement un volume 2, d'ailleurs, c'est prévu. Ouais. À sortir normalement deuxième partie de cette année. Mmh. Donc on suivra ça avec intérêt. Moon Duo, toujours composé du fameux duo. Ouais. Le guitariste des Wooden Shapes. Ouais. Eric Ripley Johnson. S'il vous plaît. Oui. Et Sanae Yamasis. Mmh. Comme d'hab. Voilà, ça ne changera pas. Non. Moon Duo, formé en 2009 à San Francisco. Mmh. Premier morceau sorti en cette année-là d'ailleurs, qui s'appelait Love on the Sea. Ouais. Voilà, avant de sortir Killing Time chez Sacred Bone Records, mmh. déjà à cette époque-là. Et leur premier album, Escape, qui était sorti en 2010. Mmh. Très bon album. Ouais. Essayez. Mais c'est des bons souvenirs quand même. Quand même. Allez, premier extrait pour ce soir pour cet album. Allons-y. Occulte Architecture. On va écouter le morceau qui ouvre l'album. Ça s'appelle The Death Set. We'll be right back. De Death Set, extrait de l'album de la semaine, Moon Duo, avec Occult Architecture. Ok. Ça devient jeu de mime, la radio, c'est terrible. Hein. C'est pratique, ça marche. On a un surveillant, alors il voit que quand ça tape dans les boules, pour le parler clairement, ça veut dire que ça passe bien. Moi, apparemment, ça passe bien. Tape dans les boules pour voir. Allez, Moon Duo donc, sorti en 2011, c'était Mazes. Yes. Fameux album. Ouais. Avec lequel ils ont été reconnus. Mm-hmm. Enregistré au Souterrain Transmissions à Berlin. Ouais. Et un remix sorti l'année d'après. Ouais. Changé. Ouais, mais là j'entends rien. Et maintenant? Non, non plus. Maintenant ? Charles de Tess, non plus. Bon, voilà, ça marche pas. Allez. Voilà, là je m'entends, c'est mieux. Ok. C'est beaucoup mieux. L'année après Mazes, ouais. Sortie d'un album remix, mm-hmm. notamment par Psychic Hills. Toujours de bonnes compositions. Toujours. Et en 2012 sortait Circles. Mm-hmm. Avant qu'il ne sorte, il y a 2 ans, Shadow of the Sun. Nouvel extrait pour cet album. Ouais. Occult Architecture, on va écouter Cult of Moloch. Straight. Ouais. Surprise. Tu vas me dire que t'as rien. Si, si, j'ai. Ah, quand même. Très fort d'ailleurs. Voilà. Moon Duo. Ouais. Donc, on écoutait Cult of Moloch, extrait de leur dernier album, Occult Architecture. Bien. Voilà. Ça met tout de suite dans une ambiance. Psyché. Ah ouais, ça donne quelque chose. Franchement, ça donne quelque chose. Allez, groupe français qui s'appelle The Style, comme si c'était The Style en néerlandais, voire même en hollandais. Oui. Mais c'est des Français, c'est un quatuor français, bien connu chez Transhumance d'ailleurs, dans l'émission d'Annick. Tout à fait. Voilà, et qui reviennent avec un hippie. Premier extrait de cet hippie qui est plutôt bien foutu, ça s'appelle Awkward The Style. C'est parti, l'album est à venir et j'ai pas de titre pour le moment, c'est parti. C'est pas mal. Ouais, pas mal du tout même. la radio de Mime. Allez, c'est bien. C'est 95 FM, mais c'est bien fait pour vous. Bah ouais, tiens, et on se fait même plus des plaisirs ici, c'est pas possible. Avant de poursuivre, attends. Vas-y. Tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous, RQC. Genre pour vous expliquer qu'on est occupé de faire plein de choses en même temps. Ouais. Mais que vous êtes bien dans les canards, jusque 22h. On sert un peu de Kobe en fait. C'est ça. Il y en a qui l'ont encore fait avant nous. Hein. Ouais. Bah ouais. C'est vrai. Allez, fil rouge. Le fil rouge. On est reparti avec David Bowie. Et après son Teen Machine. Ouais. Où ils sortiront quand même un album, un deuxième album qui s'appellera Teen Machine 2. Allez, ils se prennent pas la tête. Bah non, pourquoi avant de faire une tournée et de se rendre compte en fait que ça marche pas, donc ça ne durera pas forcément. En 1990, David Bowie va rencontrer Iman. Ah, Iman. Je m'en doutais. J'attendais le « ah ». Ah bah quand même, voilà. Ça serait absolument hypocrite pour un homme hétérosexuel de ne pas faire « ah » en parlant d'Iman. Et les filles ne font pas « ah » en parlant de David Bowie. Donc, Mais il y a peut-être des filles, même hétérosexuelles, qui font « ah » devant Iman. Aussi, je pense. C'est bien possible. Non, c'est une belle femme, voilà. C'est une très belle femme. Ils se marieront en 1992. Et ça va durer. Et ça va durer, ouais. D'ailleurs, ils vont se rencontrer un soir par un ami mutuel et David Bowie dira « J'ai nommé en fait les enfants le soir où je l'ai rencontré. » Forcément. Petit prétentieux. Tout de suite. Alors, en 1992, Bowie va faire partie du Freddie Mercury Tribute Concert. Et il chantera Under Pressure avec Annie Lennox notamment et à Wembley Stadium. En 1992, normalement, lui et sa femme doivent s'arrêter à Los Angeles et trouver un logement à Los Angeles. Mais c'est lors des émeutes, les fameuses émeutes à cette époque-là à Los Angeles. Donc il y a ils peuvent plus sortir le soir ni la nuit, donc un peu embêtant quand t'es chanteur. quand même. Et donc ils vont s'installer à New York, où Bowie va reprendre un petit peu de Teen Machine pour sortir Black Tie White Nose en 1993. Ouais. Voilà, toujours avec Nile Rodgers qui est de retour après Let's Dance. Ah, on va essayer de relancer une formule qui marche peut-être. C'est ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Donc on va partir sur un truc un peu plus électro. Ouais. Et on va écouter donc de cet album le morceau Pallas Athéna. We'll be right back. Allez, un petit retour sur les musiques bruyantes et agitées en compagnie de Korenko, comme à chaque fois finalement. Hein. Bah oui. Et je vous mets un petit coup de motorette derrière. Avec le titre America, tiens, cette circonstance, non? Ouais. Bon, allez savoir. Dans Rayon des News, ben, pas grand chose, en même temps, plein de choses plutôt cool. Stupid Karate, qui est un groupe punk de Lille, qui a dévoilé un clip pour le titre Cool Crimes. Et le clip est absolument fantastique, c'est une vraie création artistique. Un peu période années 80 zombie comme ça. Ah ouais. Hein, ça va rappeler des choses. Mm-hmm. C'est fait bah voilà, avec j'allais dire des moyens chiches, mais c'est pas vrai parce que c'est pas cheap. C'est très inventif, c'est très très drôle. C'est un petit peu, bon voilà, il faut aller voir ça sur Vimeo parce que tout le monde peut pas voir ça sur YouTube, sinon ça serait un petit peu censuré, mais super boulot pour les Lillois de Stupid Karate. Cool Crime, s'ils sont dans le coin, moi je les inviterais bien en parler en studio parce que c'est des créatifs. Voilà, c'est bien les créatifs. Hein que c'est bien. C'est bien les créatifs. Oui. Voilà. Hyperdump qui sortira de Weak Men en mars prochain. Hyperdump, c'est un groupe qui existe depuis un bon moment maintenant. J'ai envie de dire plus de 20 ans, moment où on les a vus à Moucron par exemple. Hein. Mm-hmm. Souvenez-vous, c'était à la Frégate. Et bien, les Luxembourgeois qui reviennent avec un nouvel album donc en mars. Et il faudra découvrir ça. Il y a 12 titres qui vont préfigurer sur cet album. Bury of Tomorrow qui a été clippé aussi. Ça a été à voir à partir de la semaine passée, évidemment. Signer, groupe de hard rock allemand qui va sortir le 31 mars prochain via le label AFM, un album qui s'appelle Tequila Suicide. Et oui. C'est un groupe plutôt seconde zone, voilà, second couteau comme on dit. Seconde zone, ça fait un peu. Ouais. Non, donc plutôt des second couteaux, des travailleurs, voilà, mais qui auront rien que moins que Ozzy Osbourne par exemple. Ah non, pardon. Qui auront Gus G qui bosse avec Ozzy Osbourne, voilà, j'allais dire si j'avais tilté en disant tiens, Ozzy Osbourne il va être là-dessus. Non, non, du tout. Des gens qui côtoient Ozzy Osbourne vont être sur l'album de Sinner, donc finalement, ça sera peut-être pas mieux que Second Zone. Oh. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai dit voilà. Bon, allez, Metallica qui joue Confusion en live pour la première fois, extrait de Hardwired to Self-Destruct. On sait bien que chez Korenko, dès que Metallica fait un petit quelque chose, c'est deux pages. On s'en fout. Et voilà aussi. Et donc, ils ont joué ça à Pékin. Mm-hmm. Voilà, non, c'est normal, c'est mon petit truc s'arrête. On poursuit avec Crossbones qui sort aussi un nouveau clip. Dans les news encore, ben, y a évidemment la vidéo virale du monde du métal. Donald Trump qui se fait ramasser par Marilyn Manson ou inversement. Ils ont été recherchés le titre Irrespecible Head Anthem de Manson qui est sorti en 96. Chez Antichrist Superstar, et ils ont un peu marié ça avec la tronche et quelques discours un peu imbéciles de Donald. Un petit peu. Et donc c'est très drôle. Moi je trouvais ça très très drôle. Apparemment il y a flopé de fans de première heure de Manson qui n'ont pas trouvé ça drôle. Et là on sait du coup que c'est pas des fans de la première heure. Ah non, ça c'est clair. Parce que moi je suis sûr que Manson a trouvé ça drôle. Je suis sûr aussi. Ça a dû faire marrer. Ouais. Allez, Well Done Dumb Boys, on les aime bien, ils vont sortir un petit quelque chose en 2017, puisqu'il y a des vidéos, notamment une vidéo d'un concert à Poitiers en 2013 qui circule, donc on pourrait penser que les Brestois sont de retour aux affaires, et c'est plutôt une très très bonne chose. Là, à mon avis, c'est une moins bonne chose, mais Life of Agony ne poursuit pas son agonie, puisque après 12 ans d'absence, ils sont de retour avec un nouvel album qui s'appelle A Place Where There's No More Pain, rien que ça. En tout cas, ça c'est pas le nom de l'album, mais c'est bien le nom du premier morceau qu'on peut écouter pour cet album qui sortira en avril. Donc, et bon, voilà. Un retour aussi, bon, Blondie qui revient avec un album qui s'appelle Pollinator, ça sortira le 5 mai prochain. Mm-hmm. Et il y aura un coffret qui va suivre et tout ça. Enfin, il y a plein de choses qui vont tourner autour de Blondie. Bon, ben voilà, à voir ou pas, hein, c'est selon évidemment. Et puis Dagoba qui a signé chez un nouveau label qui s'appelle Jive Epic Sony Music Entertainment. Ça devient quand même... ça continue à rester bien sérieux pour Dagoba. Dagoba, ouais. Qui fait son chemin, mais... ça faisait un moment qu'on les entendait plus quand même. Et voilà, et donc qui dit nouvelle maison, dit à mon avis nouvel album assez tôt. Ouais. Nouvel album assez tôt, pourquoi ? Pour arriver dans les festivals, évidemment, Dagoba adore. Ce serait pas mal. Et bam, quoi. Ce serait pas mal. On parlait de Manson tout à l'heure, l'affiche du Lockerzfesten est à partie dévoilée pour le premier dimanche traditionnellement metal. On connaît déjà Megadeth. Oui. On connaît donc Marilyn Manson. Fi. Et Alice Cooper. Et un abonnement. En fait, il doit revenir tous les deux ans, Alice Cooper. Et le mercredi, jour des enfants, ça sera The Offspring. C'est jeudi, je pense. Non, je pense que c'est mercredi. C'est mercredi ou jeudi, je sais plus. Enfin, bref. Et l'ouverture de cette nouvelle édition, ça sera les Pixies. Voilà. Comme ça, c'est dit. Bah ouais, non, c'est les noms qu'on connaît pour le moment. C'est vrai. Pas de favoritisme. Il y a Anouk hein, aussi qui vient, si tu veux. Et Doumar. Voilà. Ouais, Anouk, c'était le premier nom qui était connu. Ouais. Absolument. Bon, si ça marche, je lance cette affaire. Au Chant des Morts est un groupe qui a sorti un album qui s'appelle Dans la Joie. Il s'appelle Au Chant des Morts. Pourquoi pas ? Au chant, non pas au chant vocal, lyrique, mais au chant d'haricots ou de patates, c'est selon. Mais donc là, en l'occurrence, c'est Au Chant des Morts. C'était pour pas s'appeler Cimetière, je suppose. Voilà. Dans la joie, groupe de black metal qui chante en français et c'est très très bien fait. Faut excuser un petit peu ma blague, jeu de mots, etc. parce que c'est vraiment très très bien construit. C'est une des premières grosses sorties black metal de 2017. Le titre qu'on va écouter, ça s'appelle Le Sang, la Mort, la Chute. Bah ouais, que des joyeusetés forcément. Hein. Il y a des chances. Et ça sort chez l'excellente maison qu'on commence à bien connaître quand on parle black metal, DB Moore Mortis Productions. C'est souvent là que ça se passe, hein. Bah oui. Au Chant des Morts, Dans la Joie, c'est parti pour près de 8 minutes. Et vous avez le groove après, comme quoi ça va jerker ça. C'est clair. C'est parti. Thank you. RQC, de la radio à gogo. Thank you. Allez, le petit morceau groove du soir. Ouais. Avec First Choice. Premier choix, bon choix. Premier choix, bon choix. Ah bah oui. Tout à fait. Oui. You took the words right out of my mouth. Ah bah rien que ça. Rien que ça. C'était sorti en 1974. Ah ouais. Bah dis-moi. Quand même, hein. Un petit peu groovy sur les bords. Un petit peu groovy. Ouais, non, non, c'est vrai, un petit peu groovy. Bon. Je suis parti sur un truc. C'est parce que normalement, là, maintenant, c'est le. Comment dire. Le petit morceau pas possible qu'on se dit, mais enfin, ils l'ont quand même pas enregistré. Eh bien, si. Qui craque un petit peu. Mm-hmm. Bon, on le fait. Bah, vas-y. Allons-y. Après, ce sera Books on the Radio, puis il y aura l'archive. Ouais. Et puis, on avancera tout doucement déjà, bien dans la deuxième et dernière heure de l'émission. Ça passe vite. Tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous. Et nous sommes ensemble, donc jusque 22h, vous l'aurez compris. Je dois tendre le bras. Vas-y, vas-y, je t'en prie. J'ai pas le bras long, hein, donc je dois tendre le bras. N'importe où. 45 tours. Mm-hmm. D'un groupe qui sera prochainement en concert en Belgique et en France. Oui. En France, ça sera au mois de mai au stade de Pierre-Mauroy. Oui. C'est ça, autour du 25 ou 29, je sais plus. 29, je pense. Voilà. Et quelques jours avant, il sera à Bruxelles, au stade Roi Baudouin. Tout à fait. Le groupe s'appelle Dépêche Mode. Ça tombe bien. C'est bien, hein. On va plonger dans Dépêche Mode en 1983. Ouais. Avec un 45 tours qui s'appelle Love in Itself Part 2. Ouais. Voilà, c'est pas forcément le morceau le plus connu. Ah, pas du tout, même. Et donc, si on retourne, je fais. Voilà. Il y a une face B. C'est normal. Qui s'appelle Fools. Oui. Et donc on va écouter Fools, extrait de ce 45 tours, morceau qu'on ne retrouve plus nulle part évidemment, et ils font plus ça nulle part non plus. Ça sortait déjà à l'époque chez Mute Records, bien sûr, il n'y a pas de raison que ça change. Fools, Dépêche Mode, 1983. Un vieux machin. One line. One line. A paper. A sound. Elle n'a pas été jusqu'au bout. Non, je ne sais pas pourquoi. Ben non. Books on the radio, donc fait qu'elle ne l'a pas dit, je me dis à sa place. Tu le veux ? Non, non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Bon, voilà. Écoute, ça arrive. Ouais. Books on the radio. Mm-hmm. En fait, les 2 ans. Eh, hey, bonne annif alors. Bon anniversaire. Eh ouais, bonne annif. Bonne annif. Alors, on va partir en Afrique. Mm-hmm. Puisque le bouquin de ce soir s'appelle Congo Requiem, ouais, de Jean-Christophe Granger, qui est devenu un maître du thriller français. Mm-hmm. Et c'est un beau bébé. Ah, c'est une fameuse brique là. C'est une fameuse brique, elle fait plus de 700 pages. Si jamais vous avez un meuble un peu bancal, le meuble de mamie là, de 1912, ouais, il y a moyen de le caler. Largement. Largement. Alors, c'est en fait la suite d'un premier bouquin qui s'appelle Lontano. Et vous n'êtes pas obligé de lire le Lontano pour lire Congo Requiem. D'ailleurs, j'ai pas lu Lontano, donc il n'y a pas de souci. Et on va retrouver en fait une famille un peu spéciale. C'est la famille Morvan. Et là-dedans, on retrouve en fait le père, Grégoire Morvan, qui est ancien flic, ancien barbouze. Voilà. Ouais. Et qui a chassé un tueur en série au Congo, mmh, dans les années 80, septembre 80, quand c'était le fameux moment des grands bâtisseurs blonds. Allez. Voilà, avec forcément les Belges et les Français qui étaient partis là-bas. Et l'homme clou, comme son nom l'indique, clouait des femmes. Oulalala. Et les filles des grands bâtisseurs. Oulalala. Et il les éviscérait en fait. Ah. Voilà. Et donc Grégoire Morvan va, en tout cas dans les années 70-80, découvrir qui est l'homme clou. Et il va l'enfermer. Donc voilà, pas de souci. Grégoire Morvan retourne au Congo puisque il a créé une société qui déterre en fait le coltan. D'accord. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le coltan ? C'est quoi le coltan ? C'est quoi le coltan ? C'est ce qu'on utilise par exemple dans nos smartphones. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est un petit peu de fric du coup. Beaucoup de fric même. Bah ouais, c'est ma lumière. Et son but en fait, c'est de mettre à l'abri ses 3 enfants. Mmh. 2 filles et une fille. 2 garçons et une fille. Et Erwan, le plus âgé. Gaëlle, qui est la fille. Et Loïc, le plus jeune. Mmh. Et donc il décide en fait d'un peu doubler sa compagnie et d'aller... Et de s'en mettre un petit peu plus comme ça. Non, il va ouvrir en fait un gisement sans en parler à sa compagnie au Congo. Bon. Voilà. Et il part avec son fils Erwan, mmh, puisque Erwan, qui est flic lui aussi. Ben, Et voilà. Famille. Est à la recherche en fait du passé de son père. Ouais. Parce que dans l'histoire de l'homme clou, mmh, il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire qu'il y a une fille qui a été tuée mais qui n'était pas la fille d'un des grands bâtisseurs. D'accord. Et donc, comme son père était à l'époque là-bas, il va se poser beaucoup de questions, puisque son père est un homme violent, qui bat sa femme, et qui est un peu tyran sur les bords. Tant qu'à faire. Et donc, il va partir là-bas pour mener sa propre enquête. Bien sûr, son père va lui mettre plein de bâtons dans les roues. Et c'est le Congo. Et au Congo, il y a beaucoup de guerres civiles, en tout cas, entre les différentes tribus. Donc, c'est un peu dangereux, voire très dangereux. D'accord. Donc ça, c'est toute la première partie. C'est quand même... du bouquin, voire un bon trois quarts du bouquin se passe au Congo. D'accord, c'est déjà conséquent. C'est déjà très conséquent, mais c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment... Je ne sais pas si Jean-Christophe Granger y a été au Congo, mais c'est très bien écrit et très, très visuel en tout cas. Ça donne comme si on y était. Voilà, et ça ne donne pas envie d'aller au Congo par contre, je suis désolée. D'accord. Mais vraiment pas. Et à côté de ça, à Paris, il y a Loïc, son fils le plus jeune, qui est divorcé, qui a deux enfants, qui est divorcé d'une femme comtesse italienne. Bah ouais. Voilà. Et il va apprendre en fait que son beau-père s'est fait tuer un peu à l'africaine. C'est-à-dire que le père de, enfin son ex-beau-père s'est fait tuer en, on lui a enlevé le cœur en fait. Ah, c'est pas bien. Donc il va partir quand même aux funérailles de son ex-beau-père. Et là-bas en fait il va mettre son nez dans des affaires qu'il ne devrait pas. C'est ça. Voilà. Et à côté de ça il y a forcément la sœur Gaëlle qui elle est une ancienne prostituée de luxe qui est anorexique. Ah ouais, non, c'est la famille. Hein. C'est The Family. Et qui voit un psy depuis un an. Puisque elle a été attaquée par le deuxième homme clou. Parce qu'il y en a eu un deuxième qui a sévi en France. Et qui croit l'avoir tué. Et donc elle va voir un psy qui s'appelle Eric Katz. Et ce gars, elle le trouve un peu efféminé, mais est très, très collémonté. On va dire ça comme ça, mais elle va en tomber amoureuse. Et donc quand il lui propose d'aller manger un morceau un soir, bah, elle dit oui. Sauf qu'en revenant par exemple des toilettes, elle va se rendre compte que son psy fouille dans ses affaires. Donc comme elle est un peu parano sur les bords, elle va le suivre et elle va essayer de trouver pourquoi. Oula. Eh ben... Voilà. Et ça c'est que le pitch. C'est que le pitch. Mais il fait plus de 700 pages. Hein, brique énorme, j'allais dire. Jean-Christophe Granger, Congure Requiem. Bon, un grand bouquin. Un grand bouquin. Ouais. Ouais, très bien fait. Pas seulement gros en épaisseur, mais. En écriture aussi. Et en kilomètres de ligne écrite, mais. En écriture aussi. Ouais. Alors, pour ceux qui aiment bien l'action directement, c'est mal barré parce que c'est pas du tout le cas. C'est pas comme si c'était un scénario pour Vin Diesel, quoi. Ah, bah, pas du tout. Bah, vraiment pas. Non, vraiment pas. Mais il y a plein de rebondissements, plein de choses qui se passent et finalement il y a plein de connexions à la fin. Waouh! Donc. Ça reste... Et ça sortait quand ça? Ça sortait en 2016, l'année passée, au mois de mai. D'accord. Donc c'est plus ou moins tout nouveau. Bah quand même, ouais. Et assez énorme. Ouais. Granger, ça sort chez Albin Michel, c'est ça? C'est ça, ouais. Si je vois bien d'ici. Tout à fait. Congo Requiem et bon, un bouquin du top, quoi. Clairement. S'il fallait un top dans les bouquins. Ouais, si. Bon, top album, top bouquin. Le top bouquin de l'année 2016. Voilà, Congo Requiem, Jean-Christophe Granger chez Albin Michel. 700 pages, mais on s'ennuie pas une seconde. Ouais, c'est vrai, on s'ennuie pas une seconde. On s'ennuie pas une seconde, mais ce qui est très bien, c'est que quand tu veux plus lire, tu peux t'arrêter. Ouais. À la fin d'un chapitre, c'est pas grave. D'accord. Tu vois. Mais c'est bon à savoir. Donc ça, c'est pour 700 pages, vaut mieux que t'as un moment s'arrêter, mais bon. Absolument. Non, c'est bon à savoir. Allez, Maria Peschek. Peschek, ça s'écrit P-E-S-Z-E-K. Oui. Elle sort un album qui s'appelle Carabine en 2016. Carabine, c'est K-A-R-A-B-I-N. Voilà. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on va partir en Pologne. Bah ouais, on voyage après l'Afrique, on va en Pologne. Maria Peschek, Carabine. C'est. Alors, d'aucuns diraient c'est une activiste. Mais non, pas vraiment. C'est quelqu'un qui est engagé, qui écrit beaucoup, qui a traîné dans les mouvements punk pendant des années et qui, à l'aube ici de 2016, fin 2016, a sorti donc cet album Carabine, extrait de ce disque qu'on va écouter, Modern Holocaust, qui porte très bien son nom, bien sûr, vous en doutez bien. Les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous, RQC. Allez, suite et fin de l'album de la semaine. Mm-hmm. Toujours avec Moon Duo. Ouais. Et leur nouvel album, Occult Architecture Volume 1. Mmh. Alors, pas de date de prévu pour l'instant, c'est en Belgique en tout cas. Ils font une petite tournée européenne, mais qui passe seulement par l'Angleterre, par Paris et par les Pays-Bas. Paris. Mais pas par la Belgique. D'accord. Mais que faisons-nous? Mais ouais, c'est ça quoi. Je vous le demande. Ils attendent Dour ou quelque chose ou... Peut-être. Ouais. Ça m'étonnerait pas. Ou bien Mundo qui va être, serait bien ça, les curateurs à Sonic City. Ça ferait une belle affiche. Ça, ça serait vraiment sympa. On lance un petit appel à De Kroon. Beste vrienden. Voilà, c'est ça. Donc, faudra encore un petit peu patienter pour les voir si vous voulez les voir cette année. Juli Rusteren au percussé in Moskroon. Please give us Mundio. Voilà. Le message est passé. Voilà. C'est tout. Dernier extrait pour ce soir et pour cet album. Mm-hmm. Occulte Architecture Volume 1. On va écouter Will of the Devil. We were one. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, Monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-selle. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. To the other side pour démarrer cette session de l'archive du jour consacrée, vous l'aurez compris, aux Doors et notamment leur premier album qui sortait le 4 janvier 1967. Oui. 50 ans pour ce disque, 50 ans pour ce morceau. Et puis en janvier, on était assez occupé, donc forcément, on n'est pas trop revenu sur ce disque. Mais ce disque qui est une pierre angulaire de l'histoire du rock. Quand même. Une pièce maîtresse, une pièce majeure qui va engranger des tas de gens derrière eux. Alors, tout a été dit sur les Doors, évidemment. On pourrait prendre le temps de tout dire sur les Doors, pourquoi pas. Mais après tout, on est déjà bien avancé dans l'heure, hein, de choses. Et puis, on fera peut-être à un autre moment. Bon aloi, on va vraiment se consacrer absolument sur ce disque de 1967. Qui n'est pas un disque comme les autres. On est en pleine période hippie, on est, ça bat son plein, évidemment. 69, deux ans plus tard, arrivera le Woodstock Festival, l'apogée du floor power avec ce festival. Et là, on a un groupe qui rentre dans aucune case. Ils sont pas très hippies, peut-être bien dans leurs fringues ou leurs cheveux longs, mais pas, peu, ouais. Pas spécialement dans leur musique. Pas du tout, non. Ils sont pas rock propre, limite country, voilà. Hein, ils viennent pas de Nashville, hein. Non. C'est des gens du soleil aussi, mais plutôt de la Californie. Bah, c'est pas la country à papa, c'est pas le rock propre bien coiffé, c'est pas non plus le rock joli cœur, rock and roll du coup. D'un Elvis et consorts, c'est encore autre chose, les Doors. C'est une musique extrêmement précise, extrêmement fine et ciselée. parce que tout bonnement, les bonhommes qui jouent dans ce groupe sont absolument immenses dans leur domaine. Voilà, c'est des références. Autant Krieger à la guitare que James Moore, qui est un Dance Moore, qui est un batteur sous-estimé, bien souvent sous-estimé, mais il faut écouter la batterie chez Edor, c'est quand même pas rien. Manzarek, ben voilà. C'est Manzarek. J'ai un. Il est dans un cube d'orgue comme ça, et il joue d'une main la basse, une partie des pieds aussi, il joue la basse, et puis il joue les mélodies avec la main droite. Enfin, c'est un truc de complètement taré. Et puis, ils ont un chanteur. Ce qu'on va appeler chanteur. Un interprète qui est absolument démentiel, qui donne tout, qui donne une vie, qui est extrêmement théâtral, mais sans en faire trop. Voilà, c'est pas un acteur, bien que Morrison a fait des études à l'Actor Studio et il aurait bien voulu devenir acteur. Ouais, et encore plus réalisateur. Ouais. Et en fait, c'est ça le premier album des Doors, c'est un album de réalisateur avec des passages, des climax. On rentre dans ce disque avec Break On Through to the Other Side, on en sort avec The End. Il y a un chemin qui est fait pendant 40 minutes qui est un chemin incroyable où on va rentrer dans des bars, où on va traîner le long de la plage, où on va discuter le coup avec un pote, où on va avoir des idées extrêmement noires, où on va avoir des envies de fulgurance, limite de poésie. Et on va penser famille, le temps de Soul Kitchen par exemple. Enfin bref, l'album de bout en bout est sublime, pièce maîtresse parce que... Alors voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais écoutez bien cet album et puis allez écouter par exemple le premier album de Joy Division et par exemple le premier album de Nine Inch Nails. Voilà. Forcément. Conseil consommateur, et puis vous allez voir où ce disque vous mène. Disque qui a 50 ans, qui n'a pas vieilli d'une, mais de rien, de rien, de rien, de rien. Il y a des disques de 2015 qui sont bien plus datés que ce disque de 1967 qui est une tuerie absolue à avoir absolument, tout comme le premier album des Stooges par exemple. Ça tombe bien, les deux étaient chez Elektra. Ah bah tiens. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. J'en dis pas plus parce que finalement, seule la musique compte. Ils rendent hommage à leur album de 11 titres avec deux reprises. Une reprise de Willie Dixon qui s'appelle Backdoor Man et une reprise arrangement, s'il vous plaît, Bertolt Brecht et Kurt Weill, rien que ça, pour Alabama Song. Il y a un certain David B qui va s'amuser à ça aussi un petit peu plus tard. 1967, Alabama Song, revu et pas corrigé du tout par les Doors. C'est parti, premier album, c'était l'album archive pour aujourd'hui. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. We've lost our good old mama. Little girl, oh.

poche qui va casquer l'addition des pots cassés. Diamants de Bokassa, eux se sont déjà placés. Ils disent y'a trop de zoulous sur les ondes. Trop de gars qui dropent des rimes comme ils trempent leurs bombes aux quatre coins du monde. Chaque seconde un gosse tombe et leur compte grossit. Oui, tout a un prix, freedom, démocratie. Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leur pote aime nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Monnaie de singe, extrait de Révolution qui sortira donc en mars. En mars, le 3 mars. Le 3 mars prochain. Nouvel album pour les vétérans maintenant, hein. On peut dire ça, de IAM. Et ça s'annonce quand même très prometteur, je trouve. Je pense aussi. Franchement, je pense que ça va être une bonne cuvée. Comme d'hab avec IAM. C'est bon en tout cas. Rarement fait des mauvais disques. Ouais. Allez, nouveauté encore. Nouveau, attends. Allez, je vais faire un nouveau quelque part. Vas-y, fais un nouveau quelque part. And now ! C'est pas celui-là. Oh, bah. Pas celui-là non plus. Merci de me prendre au dépourvu, ça fait plaisir. Nouveau ! Ah, voilà. Ben, quand même. L'album sortira au mois de mars également. Mm-hmm. Ça fait du mois de mars. Bah, dis-moi. Le 31 mars. Et cette fille va se fêter les 10 ans de son projet. Mm-hmm. Donc, Margaret Chartier. Pour les 10 ans de son projet Pharmacon. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Mais oui. Sortira Contact, qui est son troisième ou quatrième album. D'accord. Je pense. Et il y a un premier extrait qui en écoute, ça s'appelle Transmission. Eh ben, ma foi, ouais, hein. Très très prenant. Hein. Quand même. Hein. Pharmacon avec Transmission, extrait de son prochain album qui sortira le 31 mars. Contact. Eh ben ouais. Toujours chez Sacred Bones Records, forcément. Eh ben quand même. À suivre. À suivre, absolument. Allez, comme vous l'entendez. Ouais. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin pour nous. Et qui dit fin dit morceau de décroche. Ouais. On part en 1997. Uh-huh. Avec un duo électro-français. Uh-huh. Ça devient plus facile tout d'un coup. Ouais. Daft Punk. Ah ouais, ils sont pas mal eux. Surtout cet album-là, Homework. Sommité. Voilà, sommité. Si, si. On peut le dire. Ouais, ouais. Et ce morceau qui a fait danser un tas de gens. Donc faudra pousser un petit peu les meubles. Hein. Voilà, c'est ça. Dernier pas de danse, ça va aller faire dodo, ça va faire du bien, ça va évacuer un peu le week-end. Si vous avez trop mangé, ça fait digérer aussi. Rolling and scratching. C'est parti. Daft Punk. Quoi que vous fassiez, faites-le bien, sortez couvert, soyez prudent et à la semaine prochaine. Et bonsoir. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. They smirk at you. RQC.